Les meetings de souvenirs des dirigeants Kim Jong-il ont eu lieu en Chine, en Indonésie, en Slovénie et en Islande. Y ont participé les personnalités de divers milieux et des habitants des pays hôtes. Les orateurs ont indiqué que le camarade Kim Jong-il est le grand révolutionnaire et le patriote sans égal qui a consacré toute sa vie pour la prospérité de la Corée socialiste, la réunification indépendante et pacifique du pays et l'œuvre d'émancipation du monde. Par ailleurs, à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les séances de films ont eu lieu en Bulgarie, en Roumanie, en Guinée, en Éthiopie, en Nigeria, en Algérie et à Singapour.